you've checked who people are, now check where they're from. For example, Vous êtes de Snacktrack, n'est-ce pas? You're from Snacktrack, aren't you? Now listen to this example and repeat it. And try to copy that rising, questioning intonation. Vous êtes de Londres, n'est-ce pas? Vous êtes de Paris, n'est-ce pas? Vous êtes de New York, n'est-ce pas? Now, when you hear the question beginning Vous êtes de and ending with the question tag N'est-ce pas? Answer in the pause like this. Oui, je suis de and say where you're from. Then in the second pause, repeat the answer. Vous êtes de Snacktrack, n'est-ce pas? Oui, je suis de Snacktrack. Vous êtes de Londres, n'est-ce pas? Oui, je suis de Londres. Vous êtes de Paris, n'est-ce pas? Oui, je suis de Paris. Vous êtes de New York, n'est-ce pas? Oui, je suis de New York. Now here are three sentences to respond to someone telling you where they're from. For example, Je suis de Snacktrack. Ah, je comprends. Vous êtes de Snacktrack. Here's that response again. Listen carefully to the intonation. Ah, je comprends. Vous êtes de Snacktrack. Now here are the three sentences. Using that intonation, repeat each one after you hear it. Ah, je comprends. Vous êtes de New York. Ah, je comprends. Vous êtes de Salon Plus. Ah, je comprends. Vous êtes de Londres.